La commune d'Andenne aussi. On tentera d'avoir des noms de communes tout à l'heure après les infos. De pouvoir citer les vainqueurs. Après les infos de 17h sur Viva. C'était chouette de partager cet après-midi avec vous, David Bertrand, ici en direct de l'Arena d'Andenne en tout cas. Avec grand plaisir, Philippe. Et là, c'est Adrien qui arrive, grandeur nature. C'est la suite du programme sur Vivacité. Bonne fin d'après-midi, tout le monde. Chez Thomas et Piron, jusqu'au 15 octobre, bénéficiez de conditions VIP à l'achat d'un appartement neuf. À Nivelles, portes ouvertes dans notre appartement témoin, c'est samedi et dimanche, de 14 à 17h, à l'angle de la rue Lévesque et de la rue des Déportés à Nivelles. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Des carrelages, parquets et pierres naturelles. Quadrus Waterloo, Wavre et Zaventem. Plus d'infos sur quadrus.be. Dis, tu cherches toujours un logement durable dans le coin ? Ouais, et abordable surtout. Mais tu connais les quartiers Matexi ? Non. Eh bien, surfe un peu sur matexi.be, tiens. Ah, oui. Voilà, tape le code postal. Voilà. Et tu as tous leurs quartiers à proximité. Ah ouais, c'est pas mal. Ben oui, Matexi, c'est chaque fois des maisons et appartements durables dans des quartiers agréables de Wallonie et de Bruxelles qui t'offrent plus pour ton budget. Wow. Et ils ont 70 ans d'expérience et ça se sent tout de suite. Mais pourquoi tu me montres tout ça ? Ben, ça me ferait plaisir de t'avoir comme voisin. Matexi, bienvenue chez vous. Vous écoutez Vivacité, il est 16h. Les infos, Delphine Roux. Bonjour, la journée du client ce samedi, elle est organisée dans 52 villes avec Bruxelles mise en avant. Les commerçants vous offrent un petit cadeau, organisent des concours. Une enquête est présentée justement aujourd'hui pour 6 consommateurs sur 10. Les boutiques ne sont pas assez présentes sur Internet. Avis qui tranche avec celui des commerçants. 1 sur 2, selon cette enquête, voit d'un mauvais œil la vente en ligne de ces produits. La Fédération flamande Uniso a fondé il y a 4 mois une plateforme Square. Elle permet aux commerçants d'ouvrir leur propre boutique en ligne et leur offre des services de logistique, notamment pour la livraison. Ça bougonne sur les réseaux sociaux après l'annulation des 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve. Beaucoup veulent montrer qu'un étudiant s'attient à son folklore. D'autres initiatives voient le jour et l'une d'elles tente de trouver des fonds pour aider les organisateurs à boucler le budget sécurité. Les mesures de sécurité auraient coûté beaucoup trop cher cette année. On ne sait pas combien d'automobilistes ont été contrôlés hier soir entre Nieuport et Dixmude, mais le total des amendes infligées se chiffre à 20 000 euros. Des caméras de reconnaissance de plaques d'immatriculation ont été utilisées. Cet Égyptien condamné à être pendu pour le meurtre d'un général de police en 2013 lors de la destitution par l'armée du président Mohamed Morsi. Le général avait été abattu dans un village où Mohamed Morsi avait trouvé refuge. Et en Afrique du Sud, l'ouverture d'une conférence mondiale sur des centaines d'espèces menacées. Johannesburg accueille 3500 défenseurs de l'environnement. 3 animaux, victimes des trafiquants, vont dominer les débats. Les éléphants, les rhinocéros et les pangolins. C'est un petit mammifère insectivore au corps recouvert d'écailles. Le président sud-africain a ouvert cette conférence. Elle s'achèvera le 5 octobre. Antoine Binamé, comment ça se passe cet après-midi sur les routes ? Eh bien, on a une perte de chargement sur le 42 Tournemont à hauteur de Gorin-Ramecroix. C'est principalement la bande de droite qui est neutralisée par des betteraves, mais soyez prudents, elles sont appendues un peu partout sur la chaussée. Vous perdez une quinzaine de minutes en direction de Mons. Un accident qui implique une moto sur la N63 marchant Famenne-Liège à hauteur du carrefour de Plainevaux, passage difficile vers Liège. Par contre, ça s'arrange sur le ring de Bruxelles. La chaussée vient d'être dégagée en circulation extérieure du ring entre Woluwe, Saint-Etienne et Zaventem. Vous perdez encore une dizaine de minutes vers Grand-Biguère, mais ça va tout doucement se résorber. Et puis si vous allez vers Gand depuis Bruxelles, sur le 40 entre Grand-Biguère et Ternat, attendez-vous à perdre une quinzaine de minutes en direction de Gand. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Après Andenne, la France, Adrien Jovenot nous accueille pour Grandeur Nature. Vous avez remboursé votre maison et maintenant vous vous demandez que faire de votre argent. Investir, parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir. هو برزنتات من أدريان جبلي. Grandeur nature sur Vivacité. Prochain arrêt, Cavaillon. Bonjour, bienvenue sur la première échappée belge de Vivacité. Nous sommes dans le Luberon, un voyage zéro émission, hein, puisqu'on fait tout en train et à vélo. Alors on est parti tôt ce matin, depuis la gare de Bruxelles-Midi jusqu'à Avignon TGV. Un petit mot, peut-être avec le vétéran du groupe, Jean Baguette. Comment ça se passe jusqu'à présent, Jean ? Ça se passe très bien, il y a une ambiance extraordinaire. Alors vous avez été repêché en dernière minute, ça c'est incroyable. Oui. Il a fallu attendre 17h à Bruxelles pour savoir exactement que je partais, et je suis très heureux d'être parmi vous. La vie fait des cadeaux, hein ? Ah oui, c'est vraiment extraordinaire, et je suis très heureux d'être parmi vous. Alors, on va vous faire travailler un petit peu, vous serez le dépanneur du groupe, parce que vous avez une grande expérience. Combien de kilomètres au compteur jusqu'à présent ? En tandem, j'ai 149 600 kilomètres. Pas mal, pas mal. Donc, et alors, en vélo, j'ai peut-être à peu près la même chose. Vous en connaissez et un alors, rayon, oui. On peut le dire. Jean... C'est que je n'ai jamais dit, je vais vous dévoiler, c'est que je suis deux fois champion de Belgique en tandem. Eh bien, chapeau, 2008 et 2011. Avec des champions aujourd'hui, beaucoup d'ambiance. Alors ici, dans le petit train qui nous mène d'Avignon au TGV à Cavaillon, on fait connaissance un petit peu avec les régionaux. Bonjour monsieur. Bonjour. Votre prénom ? Thierry. Thierry, vous venez de vous intéresser à notre aventure, vous parlez avec les beaux héros du Ravel, qu'est-ce qu'ils vous ont raconté ? Ben, vous venez d'une belle région déjà, qu'on connaît, parce que notre fille a étudié à Bruxelles, enfin vous venez de toute la Belgique, d'après ce que j'ai compris. Voilà, et donc je suis en train d'expliquer donc, à ce charmant monsieur que notre région était jolie, que vous avez de jolis parcours à faire, puisque je connais la plupart de vos itinéraires, du moins les petits villages que vous avez traversés. Aujourd'hui, on va vers Pertuis, ça va être joli ? C'est très joli, je disais, vous avez l'Ourmarin, vous avez des coins magnifiques, vous allez longer la Durance, vous avez des jolis petits cols. Faites des petites bosses dans votre jargon. Voilà. Parce que le Ventoux, c'est ça. Voilà. Oui, c'est plat comme la Belgique ? Pas tout à fait. Vous allez vous en rendre compte rapidement, je pense. D'accord. Voilà. On vous souhaite bonne après-midi, un bon week-end sur Université. Oh, là, vous avez entendu des hommes, mais il n'y a pas que des hommes dans le groupe. Julie, comment ça se passe ? Jusqu'au maintenant, ça se passe très bien. Oui, parce que vous avez été assise sur un très beau fauteuil dans le voilà, train. Voilà, on était confortablement assis. Maintenant, on s'attend à monter sur nos vélos et entamer les 60 km qui nous attendent avec impatience. Quoi. Pour de nouvelles aventures voilà. Et en musique sur Viva, voici Imani. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why. Your smile, do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes.

Chez Thomas et Piron, jusqu'au 15 octobre, bénéficiez de conditions VIP à l'achat d'un appartement neuf. À Nivelles, portes ouvertes dans notre appartement témoin, c'est samedi et dimanche, de 14 à 17h, à l'angle de la rue Lévesque et de la rue des Déportés à Nivelles. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Ensemble, ensemble, même si l'on est différent, et savoir traverser le temps, tout simplement ensemble, ensemble, ensemble. Monde où le plus beau côtoie l'immonde pour se défendre de tout ce qu'on cherche à nous prendre, tout ce qu'on cherche à nous vendre pour se comprendre ensemble. Il y a autant de choses tristes autour de nous. Dans les images qu'on nous propose, autant de gens qui s'opposent et de portes closes. Mais ensemble, ensemble. S'adore ou qu'on s'ignore de toute façon, entre ceux qui viennent et ceux qui s'en vont, entre les rires et les larmes, les chansons passent, passent, et on passe le temps tout simplement ensemble. Pierre Rapp, c'est avec cette chanson qui double le thème musical de Cap 48. On y sera dans 15 jours. Aujourd'hui, cap sur le Luberon. Parce que c'est bien comme ça qu'on dit, hein, Sylvie Balban, une fois pour toutes, c'est pas Luberon. Hein. Oui, tout à fait. Bon, nous sommes très tolérants. Hein, mais bon, si vous dites Luberon, on sera les plus heureux. D'accord. Alors, on a quitté Cavaillon. J'ai envie de demander à Philippe, qui a équipé notre peloton de monture. La spécialité de Cavaillon, c'est... C'est le melon. Et le vélo aussi, quand même, un petit peu. Ça prend de plus en plus d'ampleur. Et notamment, justement, avec l'association Vélo Loisirs Provence, qui a œuvré énormément, on va dire, au développement, je dirais, des infrastructures qui permettent de faire des belles balades fléchées, comme on peut faire aujourd'hui. Et on a vraiment senti la différence depuis pratiquement une vingtaine d'années. D'ailleurs, c'est les 20 ans de Vélo Loisirs Provence. On a vraiment senti un engouement énorme pour le vélo dans la région. C'est marrant, voilà. Vélo Loisirs Provence, qui a le même âge que le Ravel, le réseau autonome des voies lentes en Belgique. Nous, c'est 21 ans, on a une petite longueur, un chouïa, quoi. Ouais, mais on va vous rattraper. Petite longueur d'avance. On a fait 22, 23, combien de kilomètres ? J'ai regardé au 23 compteur. Kilomètres. 23 ? 23, oui, 23 kilomètres. 23 kilomètres. Combien de dénivelé on a fait ? 221. Oh là là, c'est tranquille, hein, c'est presque plat. Un petit mot avec un collègue de l'avenir. Pierre Police, c'est votre premier beau vélo de Ravel, un premier échappé belge aussi, forcément. Et qu'est-ce que vous en pensez jusqu'à présent ? Ah bah jusqu'à présent, très, très bon groupe d'abord, très bel esprit, beaucoup d'enthousiasme, des gens vides de découvertes humaines et puis d'endroits, d'une région. On traverse un village avec beaucoup de monde. Je peux vous demander juste, madame, le nom du village ici ?

your heart, gonna break it with my arms. Whenever you feel sad, in times of dark days, going through bad patch, just come take my hand. I care too much about yours, let you get down. I always stay around. Pain in your eyes, the chains in your heart, gonna break it with my arms. I care too much about yours, let you get down. I always stay around. C'était Broken Back sur Vivacité avec l'homme le plus heureux de la Terre. Ben, j'ai presque envie de dire que c'est nous tous ici dans le Luberon, parce que vraiment c'est du bonheur en tranche. Là nous sommes chez Roland Coupa, la Bastide du Laval à Cadenet. Roland, c'est le grand Luberon qu'on voit juste derrière vous ? Alors juste en face de chez nous, oui, c'est le grand Luberon. Le Luberon, c'est un massif qui fait environ 60 km, qui est orienté d'est en ouest, qui va de Cavaillon jusqu'à Manosque. De notre côté, on est pile en face du Mournègre, qui est le sommet le plus élevé du Luberon, qui est à 1125 mètres. On est passé par Cucuron, Lourmarin, on voit Vaugine au loin, des noms de villages qui font rêver. Et au milieu de ces villages, vous avez des oliviers. Combien d'oliviers ? Alors on a 4000 oliviers plantés sur 15 hectares. Justement au cœur du triangle de ces villages haut perché du Luberon. Waouh ! Alors 4000 oliviers, ça veut dire combien de litres à la fin de la saison, là, en novembre, quand vous allez cueillir ? Alors c'est très très variable d'une année sur l'autre. Disons d'abord, on a des oliviers qui sont encore jeunes pour une partie d'entre eux, mais on espère environ 20 000 litres d'huile par an en moyenne. Et ça reste artisanal, c'est pressé en froid. Vous pressez ici dans le moulin ? On presse directement au moulin. C'est l'intérêt d'avoir son propre moulin, c'est que la durée entre le moment où l'olive est arrachée à son arbre et elle est être extraite et que l'huile est extraite, on appelle ça la trituration, il faut qu'elle soit la plus courte possible quand on est en recherche de qualité. Disposer de son propre moulin, c'est tout cet avantage. Roland Coupa, l'homme qui triture les olives. Quel résultat ? On va demander à un échappé belge. Là. Philippe, vous avez goûté, qu'est-ce que ça donne comme sensation, cette huile artisanale complètement bio ? C'est tout bonnement délicieux. C'est assez surprenant d'ailleurs, les premières dégustations qu'on a faites, les fruitées vertes. Une amertume quand même assez particulière et un goût, je vais dire, en deux étapes. On a un premier goût sur le palais et puis après quelques secondes, dans plus bas dans la gorge, on a l'amertume qui ressort et qui est assez impressionnante. Et voilà, pour moi, une découverte. Oui. On réussit à faire différents arômes avec les mêmes olives. Il y a trois fruités dans la classification de l'huile d'olive. Des fruités verts qui sont faits avec des olives ramassées tôt dans la saison. Il ne faut pas perdre de vue que l'huile d'olive est un condiment. Elle est destinée à être mélangée à la nourriture, comme le sel, le poivre, le piment, l'espelette, les épices. Cette amertume et ce piquant, qui sont un signe de bonne qualité de l'huile, de la présence d'antioxydants, vont disparaître lorsque vous allez mélanger tout ça avec de la nourriture. Les autres fruités sont des fruités mûrs, beaucoup plus doux. Et les fruités noirs, c'est-à-dire des olives maturées qui font référence aux techniques anciennes de l'huile d'olive avec des arômes d'olive noire et de tapenade. Roland Coupa, vous êtes aussi un sportif. Est-ce que l'olive et l'huile d'olive, c'est bon pour le cycliste ? Alors, c'est bon pour le cycliste, c'est bon pour la santé en général, on va dire. C'est ce qu'on appelle un bon gras. On travaille un petit peu avec des gens qui travaillent sur la qualité nutritionnelle, qui essayent de réintroduire le gras. Pendant longtemps, on a dit que le gras, c'était quelque chose d'abominable qui faisait mourir les gens. C'est faux, tout dépend quel type de gras. Là, avec l'huile d'olive, on est sur des acides gras monoinsaturés qui sont plutôt bons pour la santé. Donc, j'en mets un peu dans mon bidon. Oui, n'oubliez pas de mettre un peu d'eau aussi. Mais j'en mets pas sur ma chaîne. Hein. Cette huile-là, je ne graisse pas ma chaîne avec. Ça fonctionnerait, oui. Ça fonctionnerait. D'accord. On prend la direction de Pertuis. On est attendu à l'Olivier. C'est pas trop loin. Alors, l'Olivier, c'est le restaurant de l'Hôtel Sevan. C'est à 12 km environ d'ici. En passant par derrière, c'est une route magnifique. C'est un très bel établissement en plus. Vous allez voir. Il y a raison la thématique, quoi. L'huile d'olive ici, l'olivier alors, là-bas. L'Olivier, c'est un endroit, ici, il s'appelle comme ça, c'est pas par hasard. L'endroit est entouré d'oliviers. Ils ont une récolte même qu'ils amènent dans ce moulin, qu'on triture pour eux. On connaît bien cet établissement. Et vous allez voir, c'est un parc très sympathique avec beaucoup d'oliviers. Dans un instant, sur Viva, la pause et puis M. Pokora. Vous sentez ? Une offre séduisante flotte dans l'air chez Planète Parfum. Jusqu'au 4 octobre, échangez un flacon vide contre 21% de remise sur un parfum au choix.

nouveau choral sur Vivacité avec une chorale. C'est bien, on n'a pas besoin sur cette échappée belge de jukebox parce qu'il n'arrête pas de chanter. Mais ça, c'est super sympa. On peut aussi suivre cette aventure sur vivacité.be. Frédéric Thiébaud, vous êtes l'auteur des livres du Beauvais de Ravel. Et là, vous ne pouvez pas vous empêcher, même ici dans l'Luberon, vous écrivez tous les jours, le matin, le soir, vous racontez nos aventures. Bah oui, c'est un petit peu plus fort que moi. C'est ma façon personnelle de partager avec vos lecteurs, vos auditeurs, vos téléspectateurs, tout ce qu'on vit ici dans le Luberon. Le Luberon ou Vélo Loisirs Provence fête ses 20 ans. Corinne, vous êtes une adhérente de Vélo Loisirs Provence pour une partie de la région. Tout à fait. Alors, nouvellement adhérente depuis 2 ou 3 ans en qualité d'hébergeur, hein, puisque je suis gestionnaire d'un camping municipal dans le Haut-Var, La Roque-Esclapon. Camping municipal qui a également le label Accueil Vélo Loisirs. On est tout à fait équipé pour recevoir des groupes comme vous et j'espère avoir l'occasion d'en recevoir dans les prochaines années. C'est pour ça que je me suis fait connaître et que je participe à cette organisation. Et vous portez fièrement le t-shirt. Je l'aborde avec fierté. De l'échappée belge et vous nous suivez sur les petites routes. Allez, la prochaine fois, on poussera jusqu'au Verdon. Venez, surtout que ça me ferait très plaisir. Venant du Nord. Oui, parce que vous êtes presque belge. Presque belge. Hein. Je connais Comines France, Comines Belgique, s'il y en a qui connaissent. Oui, oui, bien sûr. J'allais faire la fête quand j'étais très jeune. D'accord, vous êtes une ch'ti alors. Voilà. Mais vous venez de Picardie, hein. L'autre côté, c'est ça? Tout à fait, à côté de Doulan, ok. Avec nous dans le peloton aussi, Xavier, qui a gagné, sur quelle étape Xavier? C'était à Tournai, tout au début de la saison, donc ce qui m'a permis de passer un été au calme. Oui, et est-ce que le rêve correspond à la réalité? Ben écoutez, oui, enfin, la région, moi, comme je l'avais dit, je la connais puisque c'était mes vacances d'enfant, et c'est toujours avec grand plaisir que je sillonne ces routes, profiter du soleil, des paysages, oui, non, c'est merveilleux, oui. Oui, et vous ne connaissiez pas avec les 12 autres participants le 1er mai, personne ne connaissait personne. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, il suffisait de voir l'ambiance qu'il y avait hier à table. Non, c'est vrai qu'on se connaissait très peu, enfin la plupart. Puis dès le départ, on a pris le petit déjeuner ensemble. On a répondu au quiz où tout le monde était avec son smartphone, ses docs, et hurlait les réponses pour les questions. Et puis voilà, donc c'est vraiment une chouette ambiance, chouette amitié. Et on espère qu'on se reverra aussi après, que c'est pas juste aujourd'hui. Oui, alors le point de vue des filles là, peut-être Aurélie et Julie, comment ça se passe? Super. Ah, encore. Vous êtes en minorité parce qu'il y a 3 filles pour une dizaine de mecs. Ça vous tenez le coup, ça va? On est chouchoutés. On est chouchoutés, c'est ça. Donc, on en profite. C'est les hommes qui font les déchets, enfin, qui déchargent les camions, qui nous rendent. Qui viennent nous aider au vélo. Ouais, qui, c'est pas mal, qui au fait. Qui nous pousse. Et puis, entre filles, voilà, on est 4 filles, mais on s'entend super bien. Ouais. Donc, c'est super. Aujourd'hui, nous allons vers la Tour d'Aigue. Je demande à Philippe, c'est loin d'ici? Non, c'est à peu près à une dizaine de kilomètres, donc on devrait y être assez rapidement. Et puis un magnifique château qu'on va pouvoir visiter, qui est très très typique en fait, et vous verrez, on y prendra beaucoup de plaisir, on apprendra beaucoup de choses aussi. Un très beau château dans un tout petit village. Ben oui, oui. Bon, il est un petit peu en ruine, mais justement, c'est l'intérêt, quoi, c'est de revoir un petit peu l'époque médiévale, quoi. Voilà. D'accord. Eh bien, écoutez, on va vous montrer tout ça aussi sur vivacité.be et sur la page Facebook du Beauvais de Ravel, où vous pouvez suivre évidemment cette échappée belge en images et en chansons. Voici Milo sur Viva. The summer go, I found it in Monaco, dancing in Mexico, sushi in Tokyo. I wanna be where you are, driving a classic car. Cuba is not so far, I can bring my guitar. The sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be summertime. time. Take me back to Hawaii, skyscrapers in Dubai, palaces in Versailles. So won't you fly with me, a dinner in Sicily. Be who you wanna be, right where you wanna be. Are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there? Belge dans cette échappée belge en Luberon. C'était Milo, évidemment, avec Howling at the Moon. On traverse les petits villages du Luberon. Alors, entre Pertuis et Manosque, nous faisons une halte à la Bastidonne, c'est ça, monsieur le maire ? Bravo, la Bastidonne, c'est ça, exactement. Combien d'habitants dans votre village ? On est 750, mais beaucoup plus quand nous accueillons, justement, des gens de l'échappée belge ou d'autres visiteurs. Donc, voilà. Vous 750. Vous avez sorti d'ailleurs le drapeau belge devant la mairie. Mais bien sûr, nous, on est très heureux, effectivement. Des couleurs de la Belgique nous plaisent bien. Et on est heureux de pouvoir les hisser ici devant le Café Bleu et un peu plus loin au promontoire où nous y sont les couleurs de l'Europe, de la France bien sûr, mais de tous les pays que nous invitons et donc en l'occurrence aujourd'hui de la Belgique. Vous nous présentez votre équipe ? Béatrice Grelet, première adjointe. Alors donc, première adjointe au maire, c'est quoi votre job dans le village? Alors, Béatrice, mon job dans le village, c'est surtout de travailler sur la communauté de communes qui s'appelle Côté Lube, qui réunit 14 villages actuellement, donc vous allez en visiter un certain nombre. Très bien, alors voilà. À vos côtés, c'est le patron du Café Bleu, le Café Bleu avec une terrasse devant, une terrasse derrière. Vous avez prévu un petit ravitaillement pour les cyclistes? Exactement, oui. Du café, du thé, des boissons chaudes et du raisin local, de la Bastidonne. Du raisin encore frais, je dirais. Il n'est pas encore transformé en vin, celui-là. Hein. Pas du tout, oui. D'accord. C'est du raisin tas, ouais. D'accord. Oui. Et d'ailleurs, à propos, il y a une chanson de Jeff Baudard qui parle des vignes à vélo et tout. Et nos échappés belges vont vous en faire un petit bout. Le bonheur, c'est facile quand on y met du sien. Le bonheur, c'est facile. Le bonheur, c'est facile quand on y met du sien. Le bonheur, c'est comme faire du vélo sans les mains. Du vélo sans les mains, bravo, ça donne envie. Les habitantes du village, comment est-ce qu'on appelle les habitantes du village de la Bastidonne? Les Bastidonnaises et Bastidonnaises. Donc vous êtes une Bastidonnaise? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, de typique dans votre village, à part ces gros bourdons qui nous survolent? On dirait, c'est pas ce que c'est, mais c'est... Alors, de typique, nous avons notre belle église Notre-Dame de Bonaventure. Nous avons une chapelle à Saint-Julien. Et toute l'activité principale se retrouve sur cette rue des Ferrages avec une école de 3 classes primaires. Et nos Bastidonnais sont très accueillants. Nous avons aussi un échange avec une commune italienne qui s'appelle Mandela, à côté de Rome. Comme Nelson Mandela. Comme Nelson Mandela. Et nous sommes en partenariat depuis 25 ans principalement et nous faisons des échanges très très très volontiers avec notre commune et avec plein d'autres personnes aussi. Dont l'échappée belge. Monsieur le maire, est-ce qu'il y a des Belges qui habitent le village de la Bastidonne? Alors, on a eu des Belges et aussi, on a eu des Belges et d'autres pays. On a eu un Belge, effectivement, qui ne manquait jamais l'occasion de faire savoir qu'il était Belge et qu'il se sentait à la fois provençal et belge. Très bien. Ben on vous remercie pour l'accueil, monsieur le maire, et toute la communauté ici de la Bastidonne. On enchaîne avec Prince sur Vivacité. Still gone. Kiss avec les bons baisers de Provence. Nous sommes dans le Luberon cet après-midi pour l'échappée belge jusqu'à 18h. Et nous marquons une petite halte, une petite pause au château de la Tour d'Aigues. Saskia, vous qui êtes de la région, vous pouvez nous décrire ce chef-d'œuvre de la Renaissance ici en Provence ? Alors, effectivement, chef-d'œuvre de la Renaissance, mais pour retracer, on va le faire très rapidement, la longue histoire du château de la Tour d'Aigues, eh bien, il faut remonter au XIe siècle, où pour la première fois, dans les archives manuscrites, on va trouver la mention d'une tour aidée à Kiss, en 1018. Ce premier château ne se situait pas à l'emplacement actuel où nous sommes, mais dans le noyau initial du village, un endroit naturellement favorable d'un point de vue défensif, c'est-à-dire sur le rebord escarpé de la falaise que l'on peut apercevoir là-bas. Et on le voit aussi sur vivacité.be et sur la page Facebook de cette émission, grâce au reportage réalisé par Jessica, notre tintine reporter. Jessica, c'est votre première échappée belge, comme nous tous, première découverte aussi du Luberon. Qu'est-ce que vous en pensez ? Assez magnifique, des paysages vraiment hyper verdoyant, qui donne envie de rester en fait. Oui, hein. On peut vous suivre en images tous les jours. Il y a un petit compte-rendu de cette échappée belge. Alors ce château, il est sur un promontoire. On domine vraiment, on voit les vignes au loin, c'est magnifique. Je vais juste, pour ne pas perdre le fil, vous faire quelque chose de chronologique. On était au 11e. Ce premier château est abandonné. C'était simplement une tour de bois, certainement. Il y a juste une rue qui en garde le souvenir. C'est la rue du Château Vieux. Un deuxième château va être construit à l'extérieur du village, dont l'élément principal, le donjon, est encore visible aujourd'hui. Il date du XIIIe-XIVe siècle. Ce donjon, il faut l'imaginer sur une butte rocheuse cernée de fossés secs. Au XVe, viennent s'ajouter quatre tours d'angle, reliées par des courtines, trois douves sur trois côtés. La terrasse n'existait pas à la Renaissance, on était sur le rebord escarpé de la falaise. Au XVIe siècle, le jeune seigneur Jean-Louis Nicolas de Boulier, qui est envoyé auprès de la cour royale pour y faire son éducation et sa formation. Et c'est là qu'il va, dans ce contexte-là, qu'il va découvrir les nouveaux châteaux qui se réalisent à cette époque, dans le style de la Renaissance, le Louvre, mais surtout, il va participer aux transformations qui se réalisent au château d'Écouen. Quand il redescend à la Tour d'Aigues, qu'il voit son sombre château médiéval, il va décider donc de le mettre au goût du jour. Pour cela, il fait abattre toute la partie avant, gagne 8 mètres, et fait construire sur le modèle du château d'Écouen les deux pavillons d'angle et un peu plus tard, le portail. Ça, là, on arrive à la Renaissance. D'accord. Alors ici, on a une vue incroyable sur la région. La petite école en contrebas, elle est située dans les jardins du château ? Alors ça, c'était, oui, sur les anciens jardins à la française du château. Ce château se visite, il est en pleine restauration pour l'instant. Il est la propriété de la région ? Du conseil départemental de Vaucluse. D'accord. Classé monument historique pour tous les extérieurs. Oui, il est magnifique. Hein. C'est impressionnant aussi de voir un si grand château dans un si petit village. À partir du XVIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, c'était considéré comme la plus belle demeure de Provence. Catherine de Médicis y a séjourné, François Ier y est passé. C'était la plus belle demeure de Provence. C'est assez difficile peut-être de s'en rendre compte aujourd'hui, la Révolution est passée par là, mais il y a quand même, on arrive quand même à lire à travers l'architecture, dans la pierre, de beaux vestiges quand même. Oui, oui, et ce château de la Tour d'Aigues est situé le long de la véloroute, hein, donc c'est très bien, on peut y poser sa bicyclette, venir le visiter, et puis repartir, ce que nous ferons après, vers le domaine de Marenon et vers Manosque. Merci beaucoup Saskia pour cette petite visite guidée. Mais avec plaisir, merci à vous. Cuisine Créfère. La TVA 21%, la livraison et le montage offerts, c'est le mois de rêve chez Cuisine Créfère. Cuisine Créfère. Ma cuisine. Conditions en showroom. Ah, la nature. Les petits oiseaux. Qui cuit. Le grand air. Et nous, rien que nous. Ouais. Pas une maison. Pas un village à 10 km. Non, parce qu'il n'y a rien. Et pas le moindre distributeur Ford à l'horizon. Pouh, et l'horizon, c'est loin. Oh oui, c'est loin. On s'en va ? On s'en va. Eh oui. Résister à la très belle finition sportive ST-Line des Ford Fiesta, Focus et Mondeo aux performances des du 15 au 30 septembre chez votre distributeur Ford, ce sera une vraie performance. Ford, go further. Plus d'infos sur Ford.be. Vous trouvez que l'entretien de votre voiture vous coûte trop cher ? Pas chez Peugeot Uccle et Peugeot Mézère. Jusqu'au 31 octobre, bénéficiez d'une remise de 5 fois l'âge de votre auto et tentez de gagner l'entretien à vie de votre Peugeot. Pour vos pneus et kits hiver, nous vous garantissons le prix le plus bas. Nous vous remboursons la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Voir conditions en magasin. Vivacité présente Éric Antoine, Magic Delirium. Magie. Le show magicomique d'Éric Antoine. Un mélange d'humour, de magie, de musique et de grande illusion. On va s'éclater! Au Cirque Royal de Bruxelles le dimanche 6 novembre à 17h. Infos et réservations, ticketmaster.be 02 218 2015. De Cavaillon à Roussillon, cap sur le Luberon. L'échappée belge sur Vivacité. Je pars en voyage, mon âme en vent, le cœur et le front. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie, être vivant énormément. Sur un rocher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément. Les frérots de la Vega sur Vivacité, toujours en Luberon pour cette échappée belge. Nous sommes autour de Grandbois maintenant, accueillis dans les vignes par Joël Reynaud. Joël, bonjour, merci de nous accueillir là. On est carrément au milieu des cépages. Bien, écoutez, bienvenue dans le Luberon, bienvenue à Grandbois, bienvenue sur une partie de mon vignoble. Vous pourrez découvrir des raisins de différentes variétés, puisque c'est pas tout vendangé, donc il y a encore de la Syrah qui est réservée pour faire du Grand Marronnant, et puis il y a encore des raisins blancs qui sont destinés à faire du vin blanc, et puis il y aura encore quelques rosés qui sont pas encore ramassés, donc vous êtes en plein cœur des vendanges, donc avec un beau soleil, parce que cette année on a quand même un climat qui est réjouissant. Bon, ça a été un été un peu sec, mais malgré tout, on dit que la sécheresse ne tire jamais misère, donc on va s'en sortir d'une façon extraordinaire. Ah, et vous faites rêver les Belges, puisqu'il fait 27 degrés cet après-midi, avec les vendanges tardives qui auront lieu quand les dernières vendanges, c'est quoi, mi-octobre? Oh, on va finir, non, je pense aux alentours du 10 octobre quand même. Ouais, 10-12 octobre, on aura fini. Alors, donc, c'est du marronnant. C'est du Marronnant, donc moi je suis donc ici, vous êtes sur le territoire de la cave de Grandbois. Bien entendu, c'est une cave qui est adhérente à la structure Marronnant, qui est une structure de commercialisation. qui est une structure coopérative et qui permet d'exporter dans beaucoup de pays, partout où on peut aller, je crois une quarantaine de pays dans le monde. Donc ça permet aux structures de moyenne importance comme la nôtre d'ailleurs, on est sur une structure ici à Grand-Bois qui fait 30 000 hectares, c'est une cave moyenne. Et tout seul, ça ne nous permettrait pas d'aller comme ça à l'export pour vendre nos produits. Donc voilà, ça permet en étant groupé, de cibler les tirs et de pouvoir s'implanter partout où on peut dans le monde, j'allais dire. Alors, je lève évidemment mon verre à votre santé et à la santé de votre famille, installée depuis combien de temps dans la région ? Ah ben là, mes petits-fils qui sont nés, ça sera la sixième génération. Donc voilà, on n'est pas arrivé hier. C'est une exploitation familiale qui a grandi au fil du temps. Moi aujourd'hui je travaille avec mes deux fils sur une centaine d'hectares. Vigneron, viticulteur depuis 6 générations, c'est pas mal, c'est pas mal. Et alors Julien, vous vous occupez de nos tourismes ici parce que c'est vrai que de plus en plus on s'intéresse au vin et pas seulement pour le boire. Je suis arrivé à Marvenon, donc c'est ma troisième année pour développer au sein du local l'œnotourisme. Donc ce mot, bah, comme le mot l'indique, pour faire découvrir un peu le vignoble du Luberon à tous les gens qui viennent nous visiter pendant les saisons des vacances, etc. Donc en développant des choses autour des accords, des mets, des vins, et, pour faire visiter le vignoble. Aujourd'hui, c'est à vélo qu'on les visite avec un pique-nique qui est préparé par Raymond. Alors, Raymond, c'est délicieux. J'aimerais que vous mettiez vraiment l'eau à la bouche, le vin à la bouche de nos auditeurs avant le souper, là, comme on dit en Belgique, à l'heure de l'apéro. Qu'est-ce qu'on va voir et manger surtout ? Eh bien, j'ai préparé de la daube froide en gelée avec une terrine de campagne au genièvre. Nous avons aussi. C'est un peu belge, hein, ça, le genièvre. Oui, tout à fait. Effectivement. Et voilà, je suis qu'un instrument pour mettre en valeur les produits locaux, les producteurs du Luberon. Et pas mal de fruits aussi. Oui, des fruits, bien sûr. Mais le raisin en ce moment, hein, c'est ce qu'il faut, la saison. On vous remercie en tout cas pour votre accueil et on se retrouvera après le journal de 17h pour la deuxième partie de cette échappée belge en Luberon. A tout de suite. Avoir toujours la température souhaitée à la maison, c'est simple avec Box, l'NJ Electrabel. Très bonne journée à tous. Après une après-midi ensoleillée, c'est une nuit calme et douce qui nous attend avec des températures comprises entre 12 et 15 degrés. Demain dimanche, la matinée restera ensoleillée, le vent se renforcera un peu mais le mercure va grimper rapidement. En début d'après-midi, une perturbation va toucher l'ouest de notre pays. Les averses seront parfois localement orageuses et puis elles vont toucher le centre du territoire vers 16 ou 17 heures et puis finalement l'est de la Belgique en début de soirée. Le mercure, eh bien, il devrait monter jusqu'à 23 degrés dans la région bruxelloise et même 25 ou 26 degrés dans le Limbourg. Action spéciale automne en carrelage et sanitaire. Il est temps de se faire plaisir avec des collections à tout petit budget au carrelage Salvatore Villevorde et Rossin-Genèse. Chez Thomas et Piron, jusqu'au 15 octobre, bénéficiez de conditions VIP à l'achat d'un appartement neuf. À Aulieu-Saint-Lambert, portes ouvertes ce dimanche de 14 à 17 heures dans notre bureau d'info, avenue des Îles d'Or à Aulieu-Saint-Lambert. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Ce message s'adresse à vous qui venez de percevoir votre assurance groupe ou de remettre votre entreprise. Pour vous, les conseillers CBC proposent des solutions d'investissement pour faire fructifier cet argent. Ils se montrent proactifs et ils sont à votre écoute à tout moment, plus que jamais dans ce contexte aussi changeant. Investir ? Parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir ou passez nous voir. CBC Banque et Assurance, décidez d'avancer. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. La compagnie allemande Lufthansa s'apprête à mettre la main sur 100% de Brussels Airlines, dont elle possède actuellement 45% des parts. Un rachat, mais à quelles conditions ? Les petits actionnaires, ceux qui ont permis de sauver l'ex-Sabena à l'époque, craignent d'être floués. Un salon de la gestation pour autrui se tient tout ce week-end à Bruxelles. L'occasion de rappeler que chez nous, la loi est plutôt floue en matière de recours aux mères porteuses. Dans le journal des sports, on préface la suite de la 8e journée de Pro League de football. On évoque également le trophée commune sportive, c'est aujourd'hui. Et puis un jeu un peu particulier en fin de journal, le jeu de fer, un jeu purement tournaisien qui ressemble à la pétanque. Le journal est présenté par David Riffon. Bonjour à tous. La compagnie aérienne Brussels Airlines va-t-elle passer entièrement entre les mains des Allemands de la Lufthansa ? Lufthansa est actionnaire principal de Brussels Airlines depuis 2009. Elle possède 45% des parts de la compagnie belge. Elle s'emparerait des 55% restants. Une date est même fixée, mercredi prochain, 28 septembre, le jour où le conseil de surveillance de Lufthansa se réunit. Prix d'achat, 2 millions, disent les Allemands, qui rappellent avoir beaucoup prêté à Brussels Airlines. Les petits actionnaires, une trentaine, ne sont pas d'accord. Ils préféreraient 130 à 150 millions. Petits actionnaires qui ont permis de créer la compagnie belge en 2002 après la faillite de la Sabena et qui voudraient bien récupérer leur mise, Fabien Van Eekhout. Dans cet actionnariat, on retrouve tout le gratin de l'économie belge rassemblé par Étienne Davignon et Maurice Lippens, père fondateur chargé de redonner à la Belgique une compagnie nationale après la faillite de la Sabena. Des petits actionnaires contrôlant de 0,08% à 6% chacun, Electrabel, l'aéroport de Zaventem, la Société régionale wallonne d'investissement, son homologue bruxelloise, les grandes banques et assurances, Solvay, Umicore notamment. 28 actionnaires dont la vocation n'était pas l'aéronautique, mais qui ont mis la main au portefeuille et qui aimeraient récupérer leur mise, 151 millions d'euros, sachant que la compagnie n'a distribué qu'une seule fois des dividendes à ses actionnaires. C'était en 2009, lors de l'entrée au capital de Lufthansa, 40 millions distribués, ce qui avait permis à certains de rentrer entre guillemets dans leurs frais. Ainsi, côté région wallonne, 4% des parts pour 450 000 euros investis, on a reçu un dividende d'un million d'euros. Une bonne affaire déjà, mais 40 millions pour 28 actionnaires. Certains attendent toujours un retour sur investissement et vont suivre de près les négociations de cette semaine. Une prochaine restructuration se confirme chez ING. Un conseil d'entreprise extraordinaire est prévu le 3 octobre. Les syndicats attendent cette réunion avec impatience, mais aussi avec crainte. Ils redoutent une diminution drastique du personnel et une mise sous franchise du réseau d'agences. Pour la deuxième fois en deux ans, Bruxelles accueille tout ce week-end un salon pour la gestation pour autrui. La gestation pour autrui ou le recours aux mères porteuses. La société américaine Men Having Babies organise l'événement. Elle tient des conférences dans le monde entier à destination des couples homosexuels, mais pas seulement. Un salon à relent commercial, selon ses détracteurs, que les autorités n'ont pas pu interdire, tout simplement. Eh bien parce que chez nous, la pratique même de la gestation pour autrui fait face à un flou juridique. Fabien Van Eekhout, elle n'est ni interdite ni autorisée. Même si la Belgique fait souvent figure de précurseur en bioéthique, la GPA n'existe chez nous depuis plus de 20 ans que faute de cadre légal clair. Chez nous, 4 hôpitaux, Liège, Bruxelles, Gand et Anvers pratiquent la GPA, chacun avec ses propres conditions strictes. Réelle infertilité de la mère, âge maximum de ses mères, couple étranger ou belge, couple homosexuel autorisé ou non, une gestation pour autrui pratiquée chez nous sur la base de la loi de 2007 sur la procréation médicalement assistée et la législation sur l'adoption, la mère porteuse abandonnant son enfant, adopté alors par une autre, et c'est tout. Aucune loi spécifique, et pourtant début 2015, le Sénat a tenu des auditions et émis un rapport d'information. Des propositions de loi existent à la Chambre, mais le débat n'a pas eu lieu, tant les questions éthiques demeurent, ainsi que les divisions entre partisans d'une interdiction totale, dénonçant une marchandisation de la femme et de l'enfant, ou les défenseurs d'une GPA encadrée, donnant plus ou moins de droits à la mère porteuse, quid si elle s'attache à l'enfant, ou quel droit a l'enfant à connaître ses origines. Seul point d'accord, l'interdiction de toute GPA commerciale. Un bébé contre de l'argent. La Belgique préfère la GPA altruiste. En attendant, le dossier fait du surplace. Ultime précision, la procédure de gestation pour autrui se révélant longue, complexe, avec recours à des avocats, psychologues, médecins pour la fécondation in vitro. Le recours aussi au comité d'éthique. Seuls 60 bébés, du coup, seraient nés en 20 ans chez nous. Cet appel à témoins lancé par la police fédérale à la suite d'une agression au couteau survenue la nuit de dimanche à lundi, rue Charles Zoud à Salzine, près de Namur, lors des fêtes de Wallonie. Deux hommes âgés d'une trentaine d'années qui rentraient des festivités ont été violemment agressés entre 3 et 4 heures du matin par un groupe de 10 à 15 personnes. Une des victimes a reçu plusieurs coups de couteau. Les agresseurs ont pris la fuite en emportant les smartphones des victimes. Les témoins éventuels peuvent prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300 0800 30 300, ou par courriel à avis de recherche en un mot @police.belgium.eu. Je vous propose à présent de vous emmener pour un voyage dans un ancêtre. À Charleroi, on l'appelle, il s'appelle le 7285. C'est le dernier bus vicinal en activité au Tech Charleroi. Au compteur, plus +1 200 000 km, mais il tourne toujours comme au premier jour. Des passionnés sont venus de loin ce matin pour pouvoir faire une petite balade avec cette relique jaune d'un autre temps. Luciano Arcangeli a rencontré Mathieu Lemaire, son jeune chauffeur. Il a le même âge que le bus, 27 ans. Ah, là, actuellement, il affiche au moins 1 220 000 km. Est-ce que c'est la moyenne avant de déclasser un bus ou bien celui-ci, il a vraiment un parcours exceptionnel? Celui-là a vraiment un parcours exceptionnel. On ne tient jamais un véhicule jusqu'à cet âge-là. On parle souvent d'économie, mais on tient quand même un bus 15 à 20 ans. C'est un bus qui a une vraie valeur, sans doute sentimentale aux yeux de certains. Et donc, on le garde, même s'il n'est plus du tout aux normes, faut bien l'avouer. Ce bus-là, tout le monde le connaît. Donc, ce sont d'anciens Vicinos. Ils n'ont roulé que dans la région de Charleroi, mais ils ont roulé au dépôt de Jumet, au dépôt de Nalines, au dépôt d'Andérulles. Ça représente énormément de chauffeurs. Certains chauffeurs encore au Tech Charleroi aujourd'hui étaient déjà là à l'époque de la SNCV, donc ils sont nombreux à avoir roulé avec par le passé et encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va devenir ce bus ? L'avenir nous le dira, parce que le problème c'est un véhicule qui vieillit mal de par son châssis, donc qui demande un peu de frais de restauration, mais vous imaginez bien que n'importe qui espérerait le voir restauré dans ses couleurs initiales. Et le voir continuer à rouler, parce que quand vous entendez cette mécanique, on n'a pas envie que son moteur s'arrête. L'actualité internationale en Grande-Bretagne, le chef de file du Parti travailliste Jeremy Corbyn garde son siège, confortablement réélu avec 62% des suffrages face à son unique adversaire à la présidence du Labour, Owen Smith. Sa victoire était attendue, mais elle ne règle pas tous les problèmes des travaillistes qui se déchirent depuis le vote sur le Brexit. À Rome, le pape François reçoit des victimes et des proches des disparus dans l'attentat du 14 juillet à Nice. 180 personnes au total ont été acheminées via deux avions affrété par les autorités niçoises. Le soir du 14 juillet dernier, Mohamed Laouesh Boulel, un Tunisien de 31 ans, radicalisé, lançait son camion fou dans la foule. Un bilan 86 morts et 434 blessés. On en vient au sport avec le football. Après la défaite hier soir de Moucron contre le club de Bruges, la suite aujourd'hui, Christophe Reculé de la 8e journée de Pro League avec 4 matchs à l'affiche. Oui, Waasland Beveren Lokeren à 18h, Lagantois Saint-Tron et Malines Zultewaregem à 20h et enfin à 20h30, Charleroi Ostende, un gros test pour les Carolos face à un concurrent au top 6. Et après la petite déception du match nul face à Malines la semaine passée, Mehdi Bayat, l'administrateur du Sporting. Notre rencontre contre Malines, si on la joue 10 fois de nouveau cette rencontre, je crois qu'on la gagne 10 fois. Il n'y a pas eu de mauvaise interprétation quant à la qualité du contenu de ce qui a été proposé par Charleroi contre Malines. Donc ça veut dire qu'on est très bien. Il n'y a absolument pas de hasard dans ce qu'on est en train de faire. Il y a un projet, une ligne de conduite qui doit nous pousser ne jamais rien lâcher, c'est notre mentalité. Interview signée Bill Brouzakis. Et puis un petit mot de nos diables à l'étranger. Mauvaise nouvelle pour Marouane Fellaini, habituel titulaire d'un Manchester United. Parfois en difficulté en ce début de saison, il a assisté à la victoire de son équipe 4-1 face à Leicester, mais depuis le banc de touche. Et puis dans le cadre des festivités de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le trophée des communes sportives se tenait aujourd'hui à Andenne. Oui, 20e édition du trophée. Cette année encore, toutes les villes et communes de la Fédération ont pu prouver leur niveau de sportivité en prenant part à 8 épreuves différentes, comme la natation, le VTT ou la pétanque, par exemple. Une belle rencontre sportive qui a ravi les participants, comme Marie Damois qui a participé au jogging, ou Dylan de Profondville en mini-foot, qui était accompagné de son échevin des sports. Un reportage signé David Bertrand. Bah déjà, l'intérêt, c'était de rassembler toutes les personnes sportives de la commune. Et, ça rassemble les gens et c'est vraiment très bien. C'est important de sentir qu'une commune s'implique dans la promotion du sport amateur, du sport pour tous. Oui. Franchement, et puis ça amène les jeunes de tout âge en fait, à faire du sport, à continuer. C'est bon pour la santé, c'est bien. C'est toujours important, c'est toujours chouette. Et puis, si on fait un résultat, après, c'est toujours bien de le dire à la commune. Et puis, je fais un des sports qui est là, donc il est souriant. Oui, tout à fait. Le sport est quand même un vecteur de rassemblement. Et souvent, les gens qui pratiquent le sport le font de façon très positive. Un fair play supérieur à ce que je vois d'habitude autour des terrains. Il y a un esprit très festif, mais il y a aussi un peu d'esprit de compétition. On aime montrer qu'on a une commune sportive et avec des sportifs accomplis qui font des résultats. Tant qu'à faire, essayons de bien participer et de bien représenter sa commune. Mais la compétition n'est pas le but en soi. On ne cherche pas le podium nécessairement. mais on essaye de bien représenter notre commune. Voilà pour ce trophée des communes sportives qui se tenait aujourd'hui à Andenne. Et puis encore un petit mot de cyclisme. Victoire du Slovène Luka Pibernik lors de la 6e étape de l'Eneco Tour dans un sprint à 5 avec le Belge Bert van Lemberg qui finit finalement 3e. L'Eneco Tour qui s'achèvera demain à Gramont. Et puis Christophe, restez à table quelques instants. Imaginez une table en bois qui ressemble à une table de billard. Je ne sais pas si vous avez déjà tenté ce sport-là. Des palais en acier, c'est une tradition qui remonte à plus d'un siècle. Le jeu de fer, c'est un jeu local qui rassemble les Tournaisiens. On n'y joue pas pour empocher de gros gains, mais pour perpétuer la tradition. Et pendant tout le week-end, un tournoi est organisé à la Halle aux Draps de Tournai. Marianne Brillo s'est glissée parmi les joueurs. Autour de longues tables étroites et vernies, quatre joueurs, avec leur queue de billard biseautée, ces passionnés poussent un palais en acier qui doit glisser et atteindre au plus près une broche de cuivre. Marcel Lefebvre joue à la Société des Grincheux. C'est le même principe que la pétanque, en fait. À part qu'ici, le cochonnet est fixe. Le pont que vous voyez au milieu du jeu, ainsi que les broches extérieures, constituent des obstacles, en fait. L'engouement n'est peut-être plus ce qu'il était, mais les jeunes sont là pour prendre la relève. Il faut dire que le jeu de fer se pratique dans beaucoup de cafés du Tournaisis. C'était un petit peu pour tester, un peu pour me moquer d'eux au départ pour jouer au jeu de fer. Et puis on m'a proposé plusieurs tournois et j'ai participé. Et c'est un passe-temps qui me calme et voilà. Quand j'étais petit, on me mettait des bacs de bière pour que je puisse atteindre la planche, donc c'est depuis que je suis tout petit. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour ce jeu ? La patience. Ça, beaucoup de patience. La jugeote. Il faut être attentif, il faut de l'adresse surtout. Oui. C'est folklorique, c'est tournaisien, on y tient. La fédération compte 330 joueurs et ce ne sont pas les gains qui attirent ces joueurs de fer, puisque le gagnant remportera 160 euros. Le reportage de Marianne Brillo avec Sarah Hendricks. RTBF Mobile Info, Pierre Collard-Beauville, il fait beau, il ne se passe finalement pas grand-chose sur le réseau. Bah, pas grand-chose non, mais un ralentissement observé du ring de Bruxelles vers le 40, en tout cas vers au centre, en tout cas, pour démarrer donc de ce côté-là, vous perdez 35 minutes jusqu'à hauteur de Ternate, donc de ring, donc de Berkheim-Senagal, jusque Ternate, 36 minutes perdues à l'heure qu'il est. Et puis une paire de chargements sur le 42 tournée Mons à hauteur de Gorin-Ramcroix, la bande droite est neutralisée et vous perdez des 10 minutes en direction de Mons. Ce sont des betteraves qui jonchent le sol. Et puis des ralentissements encore dus aux travaux, cette fois sur le 40 Bruxelles-Gantre. Ben voilà, je viens de lire entre Grand-Bigard et Ternat, avec des répercussions dans l'échangeur en direction de Gand. Et puis un contrôle de vitesse sur le 411 Bruxelles-Namur entre Torrent-Bessin-Tron et Dossou en direction de Namur. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 17h13, bel après-midi à l'écoute de Vivacité. On va retrouver David Bertrand en direct du Trophée des communes sportives, David. Oui, c'est Philippe Genoux en fait, David. Tout à l'heure pour d'autres infos, à 18h en direct de l'Andenne Arena pour ce 20e trophée des communes sportives, lors du bilan avec Benoît Seaglio. Benoît, vous êtes le coordinateur de l'événement. On s'était parlé tout à l'heure dans le Tip Top vers 11h30. Et là, on se dit, belle journée, très très belle réussite. Hein. Oui, on est très satisfait. Un grand soleil, beaucoup beaucoup de monde, beaucoup de participation, des grands sourires. Je pense que la journée est réussite. On recherche les communes les plus sportives. Elles sont classées par catégorie. Alors nous avons trois catégories. Nous avons les villes de plus de 20 000 habitants, les villes entre 10 000 et 20 000 habitants et les moins de 10 000 habitants. Énormément de monde. Les résultats, on les connaîtra vers 18h. Normalement, ils seront prêts vers 18h. Alors ils ne seront pas tout de suite sur le site de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais ils seront accessibles sur le site de le Facebook de l'ADEPS. Oui, on se rend compte, Benoît Seaglio, que les jeunes sont très très présents lors de cette journée. Plusieurs milliers de jeunes qui viennent de 65, issus de 65 communes, villes à Bruxelles ou en Wallonie. Le sport, ça marche en Fédération Wallonie-Bruxelles. Le travail entrepris par les équipes de l'ADEPS, entre autres, porte ses fruits aujourd'hui. On en a la preuve. Mais j'ai été ravi de voir énormément de mouvements de jeunesse, beaucoup de jeunes qui sont venus s'essayer. Je les ai vus éclater de rire au hockey, je les ai vus jouer au BMX et au roller. C'était vraiment superbe. Et oui, je pense que ça commence à payer. Plus la présence de nos sportifs, je pense que ça les a attirés, ça leur a donné envie encore plus. Dans un endroit qui est magnifique, l'Andenne Arena, qui est aussi à l'image de l'importance accordée accordée au sport par les communes ? Tout à fait. Il y a une politique communale qui est très axée sur le sport. Je les remercie en plus par rapport à l'aide qu'ils nous ont fournie cette année. Le site est magnifique. Je crois que c'était vraiment parfait. Nous étions à Andenne en 2016. Où serons-nous l'an prochain ? On le sait déjà ou pas ? C'est secret encore pour l'instant. D'accord. On n'essaiera pas d'en savoir plus. Quoique. Merci Benoît Seaglio. La suite du programme avec Adrien Jevenot, c'est Grandeur Nature qui se poursuit sur Vivacité. Cuisine Créfère. La TVA 21%, la livraison et le montage offerts, c'est le mois de rêve chez Cuisine Créfère. Cuisine Créfère, mon rêve, ma cuisine. Conditions en showroom. Cavaillon à Roussillon, Cap sur le Luberon. L'échappée belge sur Vivacité. Merci de nous suivre pour la deuxième partie de cette échappée belge en Luberon. Arrivé dans le domaine de Grandbois avec Francis Hubin, berger du peloton. Ça se passe super bien, Francis. Oui, Adrien, ça se passe super bien. On a un rythme normal. On fait à peu près du 20 km l'heure, mais on s'arrête quand même souvent. On visite pas mal, que ce soit des châteaux, exploitations. Et on vient de quitter maintenant les enfants d'une école qui nous ont fait un accueil et une farandole du tonnerre. Oui, c'est vrai, Paul. Super, vraiment inattendu. Toute une école d'une trentaine d'enfants, de petits-enfants, avec banderoles, ils étaient là. Ils nous ont tous offert un petit, je vais te montrer, c'est de la lavande. Ils avaient tous préparé ça. Tout le monde a reçu un petit sachet de lavande, comme ça. C'est super, super chouette. On a fait la farandole avec eux. On a tourné dans l'école. Incroyable, unique. Jamais vu. Oui, ça vous rappelle un tout petit peu votre job d'éducateur, vous, Guillaume ? Bon, même si ce n'est pas le même public, mais bon, on ne peut ne pas être sensible. Il y a de l'émotion qui s'en est dégagée. Je l'ai ressenti aussi bien de l'émotion et une bonne partie du groupe. C'est aussi ça, le Ravel, c'est... De l'émotion qu'on n'imaginait même pas.

Jimmy Cliff sur Vivacité, au milieu des vignes, avec Joël, qui est très fier de montrer aux Belges son terroir, j'ai l'impression. Oui, c'est certain, d'autant que vous avez de la chance qu'on est à mi-vendange, et donc vous pouvez encore avoir des raisins sur les souches. Là, on est sur une parcelle de Vermentino ou du Roll, ça dépend comment on veut l'appeler, c'est le même cépage. Certains l'appellent le Roll, certains l'appellent le Vermentino. Les Italiens l'appellent une façon, les Corses une autre façon, mais ça c'est normal. Et puis on vient de sortir une parcelle de Syrah qui est destinée à faire du haut de gamme pour Marronon justement, mais qui sera vinifiée quand même à la cave de Grandbois, puisque Marronon fait ses achats dans les caves, donc voilà. Vous avez un très beau chapeau, des congrès des coopératives vinicoles de France. Oui. Chapeau de paille, parce qu'il faut se protéger du soleil. Hein. Oui, c'est vrai que chez nous, bon, il y en a une tout à l'heure de vos amis qui me disait que l'été finissait jamais. Et c'est vrai que c'est vrai, là, je crois qu'on va avoir l'été indien, parce qu'on appelle ça l'été indien, parce que c'est l'été qui se poursuit. On a beaucoup de chance, parce qu'on vient d'avoir quand même une pluie d'une trentaine de millimètres, alors que ça faisait quand même 4 mois qu'il n'avait pas plu, donc les vignes ont souffert un peu de la sécheresse. Mais comme je vous disais tout à l'heure, quand même, on dit que la sécheresse ne tire pas misère, donc on va s'en sortir et on aura une très belle qualité, parce qu'on a des raisins pas botitrisés du tout, bien mûrs. Donc il fait beau, on ne se presse pas, on attend encore la maturité maximum. La semaine prochaine, on va ramasser une grosse partie de haut de gamme, puis on va faire des produits exceptionnels. Une nouvelle arrivée dans notre groupe d'échappés belges, et pourtant elle est française, c'est Émilie. Bonjour Émilie. Émilie Argibaud, vous avez une casquette, vous, Elles font du vélo. C'est quoi ça, Elles font du vélo? C'est ça, alors on est un magazine féminin du vélo, qui s'intéresse au vélo, donc dans toutes ses formes, du vélo urbain au vélo sportif, au vélo rando, au vélo loisir. Et en fait, on est le porte-voix d'associations, d'événements et puis de contributrices qui parlent du vélo, donc s'intéressent au vélo, à la gastronomie, au bien-être, mais aussi au voyage. J'ai envie de dire, ici au milieu des vignes, in vélo veritas, hein, donc on découvre tranquillement. C'est ça aussi que vous voulez faire, c'est aller moins vite pour augmenter le plaisir, c'est du slow tourisme. C'est ça, hein. C'est déguster le raisin, parler avec les vignerons, s'arrêter dans les cœurs de village. Et comment est-ce que vous êtes reçue dans ce groupe de Belges? Comment est-ce qu'une petite Française qui arrive au milieu d'un troupeau de Belges fait sa place? Alors c'est plutôt une bonne ambiance, on chante, on danse. Voilà l'ambiance. D'accord, donc ça va. Jusqu'à présent, vous tenez la cadence? Ça va. Et on fait du sport. Ah ouais, c'est bien. Ça permet d'éliminer, hein, un petit verre de vin et un petit coup de pédale. C'est ça. Hop là, on va continuer, on va remonter en selle avec Maître Gims sur Vivacité. La ville, le stress, le bruit, stop! Au cœur du Brabant wallon, laissez-vous séduire par la quiétude des jardins de l'Orne. Dans un écrin de verdure, appartements et maisons de standing s'offrent à vous. Profitez d'une qualité de vie exceptionnelle à 5 minutes de Louvain-la-Neuve et 12 minutes de Nivelles. Gdo.be. Les jardins de l'Orne, votre avenir, grandeur nature. Envie de découvrir votre future résidence? Rendez-vous à l'Esplanade du 19 au 24 septembre et sur Gdo.be. Vous sentez? Une offre séduisante flotte dans l'air chez Planète Parfum. Jusqu'au 4 octobre, échangez un flacon vide contre 21% de remise sur un parfum au choix. Shopping! Finir la semaine par un happy weekend, c'est encore un cadeau du Walué Shopping. Place au prix d'amis, aux surprises et aux cadeaux. Le plaisir shopping à l'état pur, c'est au happy weekend du Walué Shopping. C'est 24 et 25 septembre, dimanche compris. Shopping! Walué Shopping. De Cavaillon à Roussillon, cap sur le Luberon. L'échappée belge sur Vivacité. Encore une matinée à me demander comment je vais combler tout ce vide que tu as laissé. Je sens que la journée promet d'être longue et je n'ai plus personne avec qui la passer. Je ne peux plus porter cette solitude, tu me manques, je n'ai plus personne à qui me confier. Je passe mon temps à regarder par la fenêtre et je ne te vois toujours pas entrer. J'en perds mes mots. Que vais-je devenir? Je garde espoir, je m'ennuie, je souris quand je pense aux discussions qu'on avait matin et soir. Je pense tellement à toi, parfois j'ai l'impression d'entendre le son de ta voix. Plus les années passent et plus je réalise à quel point j'avais de la chance de t'avoir. Tout semble faux, j'en perds. Maître Gims sur Vivacité, tu vas me manquer. Un petit mot avec les échappés belges ici. Est-ce que les enfants, est-ce que la famille, ça manque quand on est depuis quelques jours comme ça loin de son Namurois? Ben oui, évidemment, la famille elle manque. Et donc le petit loup, ben, quand je suis parti hier matin, c'était compliqué de le voir. Mais allez, on se part avec la technologie, il y a Skype et donc tous les soirs on discute un petit peu et donc voilà. Et puis on entend papa sur Vivacité, hein. Absolument. Ce qui est le cas ce samedi après-midi. Lors de cette échappée belge, nous traversons les plus beaux villages du Luberon. Je crois qu'il y en a 50, on en a 50-55 au programme. Hein, oui, c'est ça, oui. On va pas s'arrêter forcément, mais les traverser. Oui, voilà. Dont celui de la Bastide des Jourdans. Et là, c'est tellement beau qu'on s'arrête. Monsieur le maire, votre village, il est entre Grandbois et Manosque. Entre Grandbois et Manosque, tout à fait. Le voilà. Long de la rivière. Alors, la rivière, il n'y a pas trop de rivière. Ici, c'est la rivière de l'Aisne qui coule vers Pertuis. Et vers Manosque, il n'y a pas de rivière. On est à l'aise. Hein, on est à l'aise. On est le long de l'Aisne. On est à l'ombre. On prend un petit... Devant l'église communale. Et on est très bien ici. Là. Je vais demander à Élise ce qu'il y a de beau à voir sur le territoire de cette région. Ah bah écoutez, alors là, j'ai beaucoup de mal à vous le dire parce que tout est beau chez nous. Même notre accent, vous voyez, il vous donne du plaisir à écouter. Non, c'est vrai, nous avons la chance d'être dans un espace relativement restreint qui s'appelle la Vallée d'Aigle. Si vous regardez, ça ressemble à un sourire et on accueille les gens toujours avec le sourire. C'est vrai. Nous avons 14 communes sur notre territoire, toutes plus belles les unes que les autres. Ce sont souvent des villages perchés avec des petits châteaux ou des petits coins vraiment très particuliers où énormément de films qui parlent de la présence ont été tournés. Alors si vous avez un jour le temps et la curiosité, vous allez pouvoir venir visiter tout ça. Oui, je vois Sainte-Tulle, les Picotes, je vois Corbière, je alors vois... Alors là, vous êtes déjà dans le département à côté. Cabrières d'Aigle. Voilà, là, ah, vous la Motte d'Aigle. Cabrières, la Motte, Saint-Pépin, Saint-Martin. Cucurand. Cucurand, voilà. C'est joli, Cucurand, non? Ah, ça fait comme rêver, expression, hein. Voilà. Oui. Il y a plein de films hein, tournés ici, entre autres, oui, les Pagnols. Tous les Pagnols, oui, que ça soit... Ben, vous parliez de Cucurand, c'est le Hussard sur le toit... Sinon, c'est la gloire de mon père, le château de ma mère, et puis ensuite, bon, tous les Manon des Sources, voilà. Mais alors ça, c'est Mirabeau, Manon des Sources, le château de mon père, la gloire de mon père, le château de ma mère, c'est Grandbois, et le Hussard sur le toit, c'est Manosque et Cucurand. Et Manosque, alors quelles sont les spécialités du terroir? Bah écoutez, les spécialités, on a énormément de spécialités, énormément de talents. Comme dirait Jean de Florette, on cultive l'authentique chez nous. Hein. Donc là, ce que vous aurez, c'est ce qui fait notre richesse, l'olive, le travail sur l'olive, la tapenade, le travail sur l'aubergine avec le caviar d'aubergine. On a des glaciers extraordinaires qui vous font goûter la lavande d'une autre façon que de la sentir avec les narines. Et puis, à côté de ça, nous avons des talents aussi au niveau des faïencières, des gens qui travaillent énormément la terre, les choses comme ça, l'art, hein, les santonniers, vous avez tout ça chez nous. Et j'entends derrière nous une chanson de Gilbert Bécaud qui chante, c'est quoi cette chanson Stéphane, Les Marchés de Provence? Provence, je pense, oui. Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de sang. Ah, le thym, la garrigue, la lavande, et avec la sang, on est en Provence, c'est l'échappée belge en Luberon. Prochaine étape, Manosque, à 15 km. Bon, le temps d'une chanson de Coolio, à tout de suite. I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a low-down gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. L'échappée belge sur Vivacité. Comme promis, nous arrivons à Manosque avec l'échappée belge et nous rencontrons un auteur marseillais qui s'est installé ici à Manosque. René Frény, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur sur une terre qui a vu passer Giono, qui a vu passer beaucoup d'autres écrivains. C'est un endroit particulièrement inspirant, Manosque ? C'est pas Manosque qui est inspirant, c'est tout, c'est le monde entier. J'étais à Marseille, j'étais inspiré par la mer, par les gabions, par cette ville qui est à la fois noire et bleue. Et je suis venu ici pour le silence, c'est-à-dire j'étais infirmier en psychiatrie, et infirmier en psychiatrie, c'est très bruyant et c'est très fatigant. Je rentrais épuisé chez moi le soir, et j'ai eu besoin de démissionner pour venir, on me prêtait un cabanon, et comme dit Victor Hugo, si on n'est pas capable d'être pauvre, on n'est pas capable d'être libre. J'ai récupéré ma vie, mon temps, j'ai écrit pendant des années dans ce petit cabanon, je ne payais pas de loyer, j'étais au milieu des vignes, j'écrivais en toute saison, sous une treille, j'étais pauvre, mais libre, et j'ai écrit des romans dans un bonheur total. Il y a ici, au festival Correspondance de Manosque, quelques-uns de vos textes écrits sur les murs, sur les façades. J'aime celui qui dit « Je prends un carnet pour oublier que je vais mourir ». Oui, j'écris, je crois, pour oublier que je vais mourir. Je suis né avec cette angoisse que ma mère me laisse tomber, parte ailleurs, au ciel. Et puis ensuite, et maintenant, c'est ma mort qui m'inquiète beaucoup. Je suis tellement heureux. Je pars le matin, je marche, je ramasse des mots, je ramasse des murs, je ramasse des noisettes. Je marche, je ramasse des mots et j'écris en marchant. Et je rentre chez moi, je recopie ce que j'ai ramassé sur les routes. Et donc, je suis tellement heureux de vivre que je pourrais vivre 10 000 ans en Provence. On est tellement bien ici, dans cette lumière. Et j'ai peur qu'un jour, ça s'éteigne, que je me retrouve au milieu des vers, peut-être. Et quand j'écris, j'oublie que je m'appelle René Frény, que mon corps va mourir. Je prends les dimensions de l'univers. Si je raconte la vie d'un chat, je deviens un chat. Si je raconte la vie d'un arbre, je deviens un arbre. Si je raconte la vie d'un nuage ou d'un paquebot, je deviens un paquebot. Et tout ça, c'est immortel. Moi, René Frény, je vais mourir. Enfin, j'espère que non. Mais tout ce que je raconte est immortel. Oui, puisque les livres vont rester. Ils vont vous survivre. Et puis au moment où j'écris, comme je raconte des histoires qui sont autour de moi, tout ça n'est pas mortel. Quand je choisis un mot, je deviens un arbre, et donc je suis immortel. C'est beau ce que vous racontez. Quels sont ici à Manosque les endroits que vous recommandez aux auditeurs de Vivacité ? Ben, qui choisissent un petit bistrot où ils se sentent bien, qui prennent un café, qu'ils ouvrent un livre, qu'ils rêvent, qu'ils regardent les oiseaux, qu'ils regardent les jolies femmes. C'est plein de jolies femmes qui passent, elles sont belles en toute saison. Moi, c'est ce que je préfère. Le matin, je me lève pour descendre dans la ville voir les femmes. Elles sont, comme dans toute la Provence, hein, bronzées, extraordinaires, dévêtues l'été. Je bois un café discrètement, je les regarde, je prends des notes aussi, parce qu'il y a, beaucoup de femmes dans mes livres, et beaucoup de lecteurs m'écrivent en me disant « Vous êtes obsédé par les seins des femmes. » Et ils ont raison. Je suis obsédé par les poitrines de femmes, qu'elles soient légèrement dénudées ou sous des robes de coton, et elles sont dans tous mes livres. Donc voilà, j'adore marcher, regarder les paysages et les seins des femmes. Et si on veut prolonger le plaisir, en terrasse, avec le café, une fois que les femmes sont passées, quel livre de René Frégny prend-on ? Bon, il y en a deux, bien sûr, qui me touchent beaucoup. J'ai écrit un livre à la mémoire de ma mère, parce que je voulais qu'elle continue à être près de moi. Ça s'appelle « Elle danse dans le noir ». C'est un récit à la mémoire de ma mère, un peu comme Pagnol écrivait à la gloire de son père ou de sa mère. Et puis, sinon, « La fiancée des corbeaux », peut-être, parce que j'ai rencontré une femme très belle un jour qui traversait un champ de neige, et les corbeaux la regardaient. Et je me suis dit, si les corbeaux regardent passer cette femme, c'est qu'elle est encore plus belle à l'intérieur que ce que je vois passer dans ce champ. Et j'en suis tombé amoureux. C'est devenu comme un conte amoureux, et finalement un jour j'ai osé l'inviter au restaurant, nous vivons ensemble, et donc ça s'appelle La fiancée des corbeaux. C'est une très belle histoire d'amour, je ne suis pas le seul à être amoureux, les corbeaux continuent à l'aimer. Voilà, un livre sur ma maman et un livre sur La fiancée des corbeaux. Tout ça au son des pies qui jacassent derrière nous. Qui jacassent, elles discutent la nuit, c'est vrai qu'elles embêtent un peu les gens parce qu'elles parlent plus fort que tout le monde, et Dieu sait si on parle fort ici. C'était un beau moment de radio, merci beaucoup René Frégny sur Vivacité, on enchaîne. De Cavaillon à Roussillon, cap sur le Luberon. L'échappée belge sur Vivacité. Retour à Manosque pour la suite de cette échappée belge. Nous sommes maintenant dans les jardins du centre Giono. Ça, c'est un bel endroit pour recevoir un amoureux de la littérature. Philippe Alvini, bonjour. Bonjour. Cet endroit, il est inspirant, hein ? Absolument. On est dans une belle ville, au cœur de la Provence et au centre Giono. Vous imaginez bien que ce soit les jardins ou le centre, c'est un appel à la rêverie, à la littérature, merveilleux. Giono qui écrivait « Le soleil n'est jamais aussi beau que le jour où l'on prend la route ». Et on a pris la route depuis mercredi pour l'échappée belge en Luberon. 6 jours d'itinérance. On est à Manosque ce week-end, ça tombe bien. C'est le festival Correspondance. Et vous êtes là pour nous parler d'entre parenthèses. Mais attention, entre parenthèses avec un A. Ce sont des séjours en écriture ici parce que la région, elle est très inspirante. Absolument. Donc l'entre parenthèse, en quelques mots, c'est une structure où on propose des séjours en écriture. Qu'est-ce que ça signifie ? En écriture et des voyages en littérature. Ce sont des séjours où on va inviter les gens qui aiment écrire ou qui ont envie d'écrire, qui n'ont pas le temps, pas le lieu, pas l'accompagnement, de venir passer 2-3 jours en Provence en compagnie d'animateurs, mais aussi d'auteurs qui soient provençaux, mais qui sont aussi des auteurs nationaux, connus, reconnus, qui vont venir passer 2 jours dans un cadre, dans un antre, où un lieu où on se retrouve dans une bulle, un cocon, propice à la création, à la détente, bien entendu, c'est très important, très confortable, et avec l'accompagnement d'un auteur qui est là pour donner un petit peu sa vision, un petit peu de bienveillance, et encourager les processus créatifs, tout en passant des belles vacances. Oui, je vois les endroits, couvent des Minimes, rien que les noms, hein, le mât des Grès, ça fait rêver tout ça. Parmi les auteurs invités, dans 15 jours, il y aura Laurent Binet. Dans un mois, René Frégny, il était des nôtres il y a quelques minutes, là, René Frégny, un auteur de Manosque, marseillais d'origine, mais installé ici. Donc vous avez vraiment, je vois sur vos prévisions, là, Eric Fotorino, vraiment des grands noms de littérature. On passe tout le week-end avec eux, on écrit, on mange, on boit, on dort, on fait des séminaires, mais c'est... Alors ça reste pas quelque chose. On écrit, on prend grosso modo, on va avoir moins 3 ateliers de 2 heures, 2 heures et demie pendant le week-end pour écrire, mais c'est se faire plaisir. On n'est pas dans une compétition, on n'est pas dans le but de produire non plus un bouquin. On ne promet pas aux gens de devenir des auteurs reconnus au bout de 2 jours. Le prochain Gaël Faye peut-être. Mais peut-être, on espère. En tout cas, les gens qui viennent avec nous sont des gens qui ont le goût d'écrire, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur expérience.

le malheur de son histoire par rapport à son voyage, c'est qu'il est tombé amoureux. Finalement, c'est ça. Sinon, vous ne seriez pas là. Ah, sinon, je ne serais pas là. Donc, bon, le malheur d'un voyageur peut faire le bonheur d'un sédentaire. D'accord, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, Gaël Faye, votre livre Petit Pays connaît pour l'instant un succès fulgurant, prix roman Fnac, meilleure vente en France. Et je me suis laissé dire qu'il était parmi les nominés pour le Goncourt dans une des dernières listes qui circulent. C'est exact, vous confirmez? Ouais, je confirme. D'accord, d'accord. On ne sait rien dire d'autre, là, on confirme. Apparemment, je suis sur la liste du Goncourt, du Médicis, du Fémina, du Prix du Style, du. Enfin, voilà, et puis ça. La liste se rallonge et je regarde ça stupéfait. Oui. Ouais, un peu comme nous sommes ici au festival Correspondance, justement, à Manosque. Vous vous souveniez, dans votre enfance, des lettres sur papier avion, les enveloppes plus légères. Vous les avez remplies aussi. Oui, moi je suis un enfant des lettres. Et je garde un très beau souvenir des lettres. Ma mère vivait en France quand j'étais petit et on correspondait par les lettres. Le téléphone était trop cher. Et donc, y avait ce moment entre l'envoi de la lettre et l'attente de la lettre en retour, qui était un très bon moment et surtout une joie à chaque fois qu'on allait à la poste, qu'on ouvrait le casier, qu'on tombait sur des lettres. On attendait d'être à la maison pour les ouvrir. On n'a plus cette même joie aujourd'hui avec les emails. Même on est un peu stressé quand on ouvre sa boîte mail et en se disant, oh là là, il y a encore tout ça. Avant, il y avait quand même cette saveur de l'attente qui rendait les choses très charmantes. Vous avez à vos côtés une femme de lettres, Frédérique Thiébaud. C'est elle qui a écrit le livre que vous avez en main, Burundi ou en couleur, et qui écrit les livres des Belges du bout du monde. Elle est assez timide, donc elle n'a pas parlé si vous ne lui tendez pas le micro. Mais comme elle a dévoré votre livre, je suis sûr qu'elle a une question à vous poser, Frédérique. Mais Gaëlle y a déjà répondu, parce que moi je me dis, on ne peut pas écrire un livre aussi sublime que Petit Pays sans cette part autobiographique. Finalement, il y a trop de ressentis dans ce que vous écrivez. Et moi, ce que j'ai particulièrement aimé dans votre livre, ce que j'avais déjà apprécié dans Pili Pili sur un croissant au beurre, c'est votre style et qui fait passer par tous les sentiments. Moi, en lisant Petit Pays, j'ai rigolé et j'ai versé aussi quelques petites larmes, mais ça passe d'une manière vraiment, c'est sublime tout simplement. Merci. Je voulais vous remercier pour ça, Gaëlle. Merci, merci beaucoup. Gaëlle, ce qui m'a séduit aussi en vous voyant au festival, c'est le temps que vous prenez pour parler à chacun, parce que la reconnaissance est là aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a quelques années, on ne vous connaissait pas. Aujourd'hui, vous n'êtes pas méprisant. Vous prenez le public chaque fois avec plaisir. Vous écrivez, vous vous intéressez à chacun. Les files de dédicace sont très longues, parce que vous consacrez beaucoup de temps à chacun. Oui, parce que je pense que à travers ce que je raconte, il y a peut-être une forme de gravité également, même si j'essaye d'y mettre de la douceur, mais je parle de sujets quand même graves. Et quand les gens sont touchés par mes textes, je sais qu'ils ne viennent pas de manière anodine. Ils ne viennent pas parce qu'ils m'ont vu à la télé ou parce qu'ils veulent un selfie. Ils viennent parce que ça fait résonner quelque chose en eux. Et je veux respecter ce moment-là parce que... Moi-même, j'ai peut-être souffert aussi que l'on ne respecte pas certains de mes sentiments et dans la vie de tous les jours, en étant ado. Et c'est l'écriture et c'est la musique qui m'a permis de sortir de cette solitude. Donc je pense qu'il il faut s'écouter les uns les autres parce que on a besoin d'attention, on a besoin de se sentir accueilli, on a besoin d'être important les uns envers les autres. Mais voilà un beau mot de la fin. Merci Gaëlle Faye. Merci aussi à Bernard Blave et Francis qui ont réalisé cette émission. Complicité aussi de voyagesncf.com pour le voyage en train. Vous voyagez aussi en train, Gaëlle? Oui, bien sûr. C'est déjà une évasion, on va dire, plus légère et plus progressive que l'avion. Hein. On profite. Oui, on profite, mais c'est pas aussi bien que le vélo quand même. Ah, ça c'est beau, ça c'est beau. Merci beaucoup, Gaëlle. Vous pratiquez encore la bicyclette? Oui, j'essaye de pratiquer à Paris, faire du Vélib. Ouais, oui. Par contre, à Kigali, c'est un peu plus compliqué. Les vélos sont pas vraiment les bienvenus dans la ville. Il y a beaucoup de collines aussi. Il y a beaucoup de collines. Donc j'ai pour projet de m'acheter mon vélo à moi à Kigali et puis d'aller faire des tours en campagne le week-end. Escalader la colline de Djali? Ah ouais, bah celle-là j'ai pas envie, hein. elle est trop rude. Bonne continuation et à bientôt Gaël Faye pour de nouvelles aventures. Merci, à bientôt. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Dans un instant sur Vivacité, le journal parlé de 18h, suivi bien sûr de Vivacité en concert. Nous, on se retrouve tous les jours de la semaine à 14h pour vous faire vivre l'échappée belge en direct dans la vie du bon côté. Excellent week-end à tous et à tous. J'ai trouvé. T'as trouvé quoi? Un appartement, deux chambres, entièrement équipé à partir de 185 000 euros, hors TVA et frais, à City Docks. City quoi? City Docks, D-O-X, un quartier nouvelle génération aux portes de Bruxelles. City Docks, visitez le pavillon de vente sur le site. Du studio aux trois chambres, profitez de conditions exceptionnelles de lancement. citydocks.be. Nous avons le plaisir de vous inviter au bal de la commune d'Etterbeek le samedi 8 octobre à 19h30 au Centre des Sports. Vous pourrez y redécouvrir les plus grands succès de l'univers rock soul pop repris par Mister Cover. Infos et réservations, bal.etterbeek@gmail.com ou 0478 59 45 63. Oh chérie, c'est ouvert! Mais quoi? Mais Gautier, le magasin de mobilier contemporain. Gautier. Gautier? Votre premier magasin Gautier en Belgique vous propose des conditions exceptionnelles d'ouverture au 246, chaussée de Waterloo à Rhodes-Saint-Genèse, à côté de Dovi. Vous trouvez que l'entretien de votre voiture vous coûte trop cher? Pas chez Citroën Drugen Boss, Citroën Evair et Citroën Isère. Jusqu'au 31 octobre, bénéficiez d'une remise de 5 fois l'âge de votre auto et tentez de gagner l'entretien à vie de votre Citroën. Pour vos pneus et kits hiver, nous vous garantissons le prix le plus bas. Nous vous remboursons la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Citroën. Voir conditions en magasin. Besoin de changer vos châssis? Ne cherchez plus. Allez chez Sebati, revendeur Finstral pour votre région. Vous y trouverez les châssis et les portes dont vous rêvez. Ils s'occupent de tout. Visitez les deux showrooms Sebati à Rebec et Braine-l'Alleud. Conditions irrésistibles pendant les portes ouvertes du 24 septembre au 1er octobre. Profitez maintenant de l'action automne, des milliers de carrelages à petit prix. Point B. Le nouveau Mercedes GLC Coupé. Un SUV puissant aux allures de coupé. Pour franchir les montagnes les plus élevées. Ou les cases vitesses dans votre rue. Pour traverser des paysages enneigés. Ou les flaques devant votre garage. Pour explorer les territoires les plus vastes. Ou le parking du supermarché. Le nouveau GLC Coupé. Pour tous les tours et détours. Découvrez-le lors des journées portes ouvertes du 22 au 25 septembre chez votre concessionnaire agréé. Vous écoutez Vivacité, il est 18h. Le Flash est présenté par Delphine Vreux. Bonjour Delphine. Bonjour, un salon sur le recours aux mères porteuses, rendez-vous commercial organisé par une firme américaine. Il se tient à Bruxelles. Une vingtaine d'opposants se sont rassemblés devant les portes de l'hôtel où ces séances d'information ont lieu. Quelques mots et du réconfort. Le pape a reçu au Vatican des blessés et des familles des victimes de l'attentat de Nice le 14 juillet. Ils n'ont pas de tête, pas de poumons, mais les vers de terre mangent deux fois leur poids. Namur propose des formations en lombricompostage. Mais les participants ont-ils été séduits? La réponse à la fin de ce journal. Delphine Vreux pour vous informer. GPA, gestation pour autrui, ou quand les femmes portent l'enfant d'une autre. Bruxelles accueille un salon pour la GPA. L'organisateur est une société américaine, Men Having Babies, les hommes qui ont des enfants. Cette firme tient des conférences dans le monde entier, notamment pour un public homosexuel. Et ce week-end, le rendez-vous bruxellois sert de rencontre pour s'informer sur les démarches à suivre et sur les coûts aussi. Alors ce rendez-vous, les anti-mères porteuses auraient voulu l'interdire. Des associations catholiques, de défense de la famille et des groupements féministes se sont donc rassemblés cet après-midi devant l'hôtel où se tiennent les séances. Ils étaient une vingtaine, écoutez leurs arguments. Quelque part, c'est plus facile d'aller commander sur catalogue un bébé qui a certaines caractéristiques et de louer le ventre d'une femme, de l'asservir par la maternité. Enfin, le font pour une somme d'argent. Du coup, ça revient au même problème. Le corps de la femme est utilisé comme moyen de gagner de l'argent par des hommes. Du coup, moi, ce système, ça me dérange. Voilà. Quand on dit que la femme va le faire gratuitement,